made musician. We need musician. We need musician. We got a trouble. We go. Ho, ho. C'est pas un piano. Descendre, d'accord. Je suis d'accord, pas d'accord. Un petit peu. Je suis d'accord, pas d'accord. Un peu d'accord. D'accord, un peu d'accord. D'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord.